Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fama huwa al-aslu al-thani indak? Na'am, ma'rifatu din al-islam zid bil-adilla. Ma huwa al-islam? Faddal. نعم والبراءة من الشرك وأهله نعم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه إلى إكسبليكي معنى الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك فقال رحمة الله عليه وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد قال الاستسلام قال دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فهو متضمن لأمور ثلاثة نعم تخشوز استسلام إنقياد وبراءة تسا الإسلام سا comporte ces trois choses. قال أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا نعم أي استسلم une soumission مشروعة شرعية وذلك بتوحيد الله نعم cette soumission أي تستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد أي tu adores Allah سبحانه وتعالى seul ta conviction c'est tawhid et tes œuvres elles sont fondées sur tawhid. Naam, c'est pour ça que la vie du mu'min elle commence par le tawhid, s'il rentre dans l'islam. C'est pour ça que pour celui qui veut se convertir à l'islam, il est obligé de prononcer shahadat al-tawhid et كذلك المؤمن s'il meurt à la hadhihi ash-shahada, fa il a tout gagné. C'est pour ça que celui qui prononce shahada avant de mourir, c'est min alamat husn al-khatima. Qala وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه comme on a expliqué dans le dars précédent هذا هو الإسلام الذي يثاب عليه العبد cet islam que Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé إن الدين عند الله الإسلام cet islam qui sera utile pour celui qui fait des efforts في تحقيقه Il sera utile pour lui fi dunya ou fi l'akhir. قال أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه. نعم. أما الاستسلام القدري أي tu te soumets. مثلا الله سبحانه وتعالى il fait tomber la pluie. T'es obligé de te soumettre. Il pleut. Ou un tremblement de terre. T'es obligé de te soumettre. نعم. فهذا c'est un استسلام par rapport aux أمور القدرية. في هذا t'as pas le choix. Tu ne seras pas jugé sur ça. Tu seras jugé sur cette soumission par rapport aux obligations. Est-ce que tu les as faites? Aux interdictions? Est-ce que tu t'en es écarté? C'est ça l'istislam. أما الإنقياد قال وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. C'est ça l'إنقياد له بالطاعة. أي une soumission أولا ثم un فعل الإنقياد. En observant, respectant les obligations et en s'éloignant, en s'écartant des interdictions. Et la plus grande obligation et la meilleure des obligations, c'est At-Tawhid. Et le plus grave des péchés et le plus dangereux pour l'abd, c'est Shirk. قال لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. نعم. Et ça c'est important. Tous les adillah, toutes les preuves que tu as في القرآن وفي السنة qui ordonne d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et كذلك s'écarter des interdits. Enfin, t'es ordonné de t'écarter des interdits. Enfin, at-ta'a s'englobe le fi'l et s'englobe un délaissement, كذلك. Tout ça pour Allah azza wa jalla. Qala wal bara'atu min ash-shirk wa ahlih. قال البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه. C'est ça, yatabarra, et il déteste cette chose, il se désavoue de cette chose, il délaisse cette chose. C'est ça le bara'a. والبراءه من الشرك ومن المشركين لد والبراءه قال من الشرك واهله ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءه من اهله. Ça implique, si tu détestes le shirk et tu t'écartes du shirk et tu te désavoues du shirk, ça va impliquer un désaveu de ceux qui appliquent ce shirk, al mushrikun. وهكذا الايمان تحب الايمان تحب الدين تحب التوحيد. Ça implique que tu vas aimer ceux qui appliquent هذا الخير. بعض الناس الان يفرقون من اهل الضلال يفرقون. Il te dit نعم, toutes les religions autres qu'Allah c'est باطل, لكن quand il faut appliquer البراءة من اهل الباطل ils appliquent pas. Ah oui, ils appellent à ne pas appliquer. Bel ba'duhum, ils appellent à s'unir, à la fraternité, à s'aimer. Tout ça, c'est minat dhaya'a wa minat dhalal. Wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahlih, ça ne veut pas dire faire des attentats, wa al-'iyadu billah. Ça ne veut pas dire être injuste, wa al-'iyadu billah. Ça ne veut pas dire prendre des décisions seules, faire des fitan. Kama yaf'al ad-dhallal min al-khawarij, min da'ish, wa min al-qa'ida, ou min man ta'athara bi fikr al-ikhwan al-muslimin. أصحاب الثورات أي ربما يسيت مثل هذا الكلام. فسي بور سا كو تو لي تروف بوكو اي ريفيان ا كتب أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السلام. لكن في الحقيقة سي كذابون أهل أهواء لأنهم يبخن سيغتان شوز اي ديليس لو غيست. نعم, فالعلماء كي تو مونتر أنه لابد من البراءة أو من البراءة من الشرك وأهله. Il te montre que dhalikanna, les attentats, les révolutions, les rébellions, tout ça c'est interdit fi din l'islam. Falbara'atu min ash-shirk, tu détestes le shirk. On est tous d'accord hein. Et tu te désavoues du shirk et tu t'éloignes du shirk. Amma al-kuffar, tu les détestes. Annahu, c'est obligatoire. Il va citer Cheikh Al-Uthaymeen le verset. Et que dhalik, ton désaveu si tu t'écartes d'eux. Amma t'es tout seul fi bilad al-kuffr et tu veux imposer alors que personne t'écoute. Ou l'ayadu billah, par la force, avec des attentats, tout ça, c'est pas min din l'islam fi shay. Et la preuve, c'est que ce qu'ils font, et ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils comptent faire, ou l'ayadu billah, c'est, ça fait que du mal au din. Ça fait que du mal à la communauté. Les hadha, ils ont aucun savant ma'ahum. Savant min ahl sunnah, ou al-jama'a, ahl al-haq. Là, ils ont des dhullal. Ils ont des égarés communs. Non, c'est pour ça que les gouverneurs musulmans et les savants musulmans et les musulmans qui sont ala al-haq wa lillahi al-hamd et qui sont ala ilm, ils sont contre toute cette fawda qui se passe là. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, il cite le dalil ala hada, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ce verset من سورة الممتحنة, c'est une آية عظيمة في التوحيد et في البراءة من الشرك وأهله. قد كان لكم في قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إبراهيم c'est une أسوة, قدوة, c'est un exemple. أي le موقف qu'il a eu avec les mushrikin, le موقف qu'il a eu en appliquant التوحيد, c'est un modèle pour nous et c'est un exemple pour nous. قال والذين معه إذ قالوا. Pourquoi c'est un modèle? Allah subhanahu wa ta'ala va te citer un exemple, un موقف qu'ils ont eu, Ibrahim et ceux qui l'ont suivi. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité al-bara'atu min al-mushrikin qabla al-bara'atu min al-shirk. إنا براء منكم, أي on se désavoue de vous. ومما تعبدون, et du shirk que vous faites. قال من دون الله كفرنا بكم حكم. نعم, c'est des kuffar. نعم, فلا يجوز التردد في هذا. Un mushrik, c'est un mushrik. Un kafir, c'est un kafir. Bien sûr, avec ijtima' al-shurut, intifa' al-mawani', il y a une différence entre al-hukm ala al-itlaq ou ala al-ta'yin. Lakin, pour appliquer ala al-mu'ayyin, c'est pas forcément celui qui a fait un kufr, c'est un kafir. Ou qui a fait du shirk, c'est un mushrik. Là, il y a des conditions pour appliquer ce hukm. Et il y a des choses qui empêchent le hukm d'être appliqué. Quel jahl avec un tafsil, ça dépend de son cas. Qu'un ta'wil, si c'est un ta'wil sa'ir, qu'adalik s'il est forcé, qu'adalik s'il a oublié, qu'adalik s'il a plus la raison. Hada rubbama il fait une chose, lakin cette chose, elle n'est pas appliquée sur lui. Wa hakadha al-bid'a wa al-fisq. Et cette qa'ida, on l'a expliqué dans beaucoup de durus. Qala kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wa al-baghdha. C'est ça le bara'a. أي العداوة l'animosité والبغضة ولا أن إلى أن entre nous الكفار هذا سي كلام الله حتى تؤمنوا بالله وحده donc الفصل بيننا وبينهم c'est التوحيد tant qu'il n'y a pas ce توحيد entre nous et eux adorer Allah سبحانه وتعالى seul on les déteste في الله عز وجل فكلام شيخ ابن عثيمين إلى الطيب إلى Il a fassal akhtar, il a cité quelques adillah, rahmatullah alayhi. Et tout ça avec la compréhension de Ahl al-Ilm. Falimada, ba'd al-Shabab, ils se sont égarés. Imma, ils ont penché vers Ahl al-Ghulu, min al-Khawarij, ka Da'ish, etc. Les annahum, ils ne sont pas revenus à Ahl al-Ilm. Ils ont lu des textes et ils ont cru les comprendre et ils ont khalif à immat al-Sunnah. Et ils ont fait du mal à la Ummah. Ça, c'est une catégorie des égarés. Et ils font beaucoup de mal à eux-mêmes et aux autres. Et Ahlul Haqq, walillahi alhamd, qadiman wa hadithan, ils démontrent les égarements de Al-Khawarij. Que ce soit les Khawarij à l'époque de Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a montré leur short et As-Sahaba, radiyallahu anhum, ils les ont combattus. Ou après, jusqu'à de nos jours, ulama al-sunnah, Ils ont montré les égarements de Al-Qaïda, de Ben Laden, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ils montrent les égarements de Daesh. Kazalik, il y a un autre groupe, Mina Al-Shabab, on précise Al-Shabab, les jeunes, les Annahum, ils s'intéressent au din et au ilm, au Rubbama Akthar. Et ils sont touchés par ces choses, Akthar. Wa illa, l'égarement, ça touche les jeunes et autres. Faminhum, man inharaf, et ils font des concessions dans leur din. Et ils ont un temi'a ajib et un dhaï'a ajib. Ils délaissent des choses. Enfin, le premier groupe, ils ont exagéré, ils se sont égarés. Et haoula, ils ont un laxisme ajib. Wal'ayadu billah. Hatta ba'dahum, il rubbama yuzakki. Et il a un thana kabir. Fait le kuffar. Et daïman, il complémente les kuffar. Il les cite en bien. Et yat'an fi ikhwanihi khafsatan ahl sunnah al-salafiyyi. يطعن فيهم ليل نهار tout ça pour satisfaire بعض الناس لأنهم ils ont إما des places إما il a un masjid إما il a des personnes qui l'écoutent et il a peur de se mettre à dos فحتى الأدلة مثل هذه واضحة ils essayent de les expliquer une manière pour pas choquer pour satisfaire tout le monde et هذا c'est من الضياع celui qui a pas les épaules pour faire دعوة il se retire لأنه il va faire du mal plus que autre chose Et il a une mas'ouliya. Khasadan, il est écouté par des ignorants. Et il se fera beaucoup de mal. Falihada, nous insiste toujours à revenir à immat al-sunnah. Ulama al-sunnah, wallahi alhamd, ils sont présents. Et kadhalik, ceux qui étaient avant, ils nous ont laissé leurs conseils, leurs livres. Fanastafid min al-jami'a. Pour comprendre ces masa'il azim. Que ce soit le hukm bi ghayri ma anzalallah, que ce soit mima yata'allaq bi nawaqid al-islam. Tout ce qui est lié avec l'Iman, comme on va voir. Talibul ilm, khasatan les débutants comme nous, on revient à Ahl al-Ilm. Les ulama, ils ont expliqué, ils ont cité, et on s'écarte des choubahs. Et on reste avec les choses claires. Wadiha. Naam. Fa manhaj al-salaf, il est wadih. Kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum ala al-bayda. Layluha ka nahariha, la yaziru anha illa halik. Et nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comparé avec la couleur blanche, et elle est claire. ليلها كنهارها دنيا كم دجور فمنهج السلف واضح y a des choses où tu auras du mal à comprendre, reviens à Ahl al-Ilm, délaisse les choubouhat, délaisse le qil wal-qal, prends les choses wadiha, prends ton temps, fais des efforts, fais l'ilm, et bien sûr avec l'ikhlas et le dua, et tu comprendras. Amma, daiman, revenir à des gens qui ne sont pas compétents, et des choubouhat, des sujets sensibles, pas assez d'ilm pour comprendre, c'est ça qui fait du mal à certains. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wa salam. On revient à notre sharh, kalam Cheikh Abdel Aziz. Qala Cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayhi. On avait lu kalam Cheikh al-Islam, on le répète. Qala wa huwa thalath maratib. Ay al-Islam. Al-Islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Fa arkan al-Islam khamsa. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. قال الشيخ عبد العزيز وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Tout ça, c'est les cinq piliers de l'islam. Ils sont connus عند الجميع. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الحديث متفق عليه, حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال فأول أركان الإسلام Shahadatu an la ilaha illallah. Premier pilier, c'est la base du din, c'est hadhihi ash-shahada. Fala yasihhu islamu al-mar illa bi hadhihi ash-shahada. Celui qui veut rentrer dans l'islam, il est obligé de prononcer cette shahada. Et la prononciation, tu prononces une chose que tu comprends, que tu dois comprendre, l'importance de connaître le sens. كذلك cette shahada, ça implique beaucoup de choses. N'am, ça va impliquer des œuvres. كذلك cette shahada, elle a des annulations, des choses qui font du mal à cette shahada, bel qu'il l'annule. Enfin, le musulman, il doit donner du temps à هذا. قال وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله فلا بد من النطق. Il est obligé de la prononcer. أما celui qui a une conviction, là, qui ne la prononce pas alors qu'il a le qudra, c'est pas un musulman. Il est obligé de la prononcer. Baqi à celui qui peut pas. Fala yukallifullahu nafsan la wus'aha. واحد مثلا il veut rentrer dans l'islam et il est muet. Hada, si il peut pas, il a pas le qudra de prononcer, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui imposera pas une chose au-dessus de ses capacités. Fahada, il prononce pas. Amma 'ammatu an-nas, ils peuvent prononcer. Fa celui qui veut rentrer dans le din, il est obligé de la prononcer. Et s'il la prononce, il doit savoir qu'elle a un sens, comme on a dit. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه أي لا معبود حق إلا الله. C'est ça le sens. لا معبود. المعبود, c'est على وزن مفعول من العبادة. أي celui qui mérite العبادة. بحق. لأن بعضهم, ils sont adorés. Il y a des choses qui sont adorées. بعض الناس, ils adorent أنبياء. بعض الناس, ils adorent des pierres, Bardanas, ils adorent des tombes, des morts, des êtres humains, des djinns. Lakin, cette adoration, elle n'est pas bihaq. Elle est bibatil. Pourquoi? Parce que celui qui mérite l'adoration bihaq, c'est Allah. Donc, si tu prononces shahada, tu dois avoir cette conviction ferme. Anna, celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont adorés bibatil. Et ceux qui sont adorés, min dunillah, ils sont de deux catégories. Une catégorie qui appelle à se faire adorer, et ils acceptent hada, c'est des tawarit. Et une autre catégorie, ils n'acceptent pas. Matalan, al-Nasara, ils adorent Isa. Et Isa, il n'accepte pas hada. Isa, il déteste shirk, il déteste le mushrikin. Lakin, il est adoré, min dunillah. Il y a une différence. Ceux qui acceptent et qui appellent à hada, c'est des tawarit. Et ceux qui sont contre, ils n'ont rien à voir avec Ha'oula al-Mushrikin. Et à la Kulihal, les deux cas, tu n'as pas le droit de les adorer. Qu'il appelle à Hada, c'est wadih, ou qu'il n'appelle pas, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. L'imad al-Yana, cette ibada, c'est un haqqun lillahi azza wa jal. Et on cite souvent Hadith Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé c'est quoi haqqullah ala al-ibad. Fa'mu'ad, il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré biqawlih haqqullah ala al-ibad an ta'buduh la tushriku bihi shay'a. C'est ça haqqullah, le droit d'Allah, l'adorer et de ne pas faire de shirk. Qala wa hiya nafyun wa ithbat. Cette shahada, elle a un sens, il l'a cité chez Abdelaziz, la ma'bouda haqqun illallah, et كذلك elle est fondée sur deux piliers. An-nafi wal-ithbat. Qala nafyun, fala ilaha nafyun. Na'am. An-nafi, tu nies quelque chose. Fala ilaha, ay, t'as une croyance que personne ne mérite al-uluhiyya. Ay al-ibada. C'est ça an-nafi. Illallah, thumma un ithbat. Illallah. Il n'y a que Allah qui mérite cette chose que tu as niée au départ. Et c'est ça, al-tawhid. Al-tawhid, pour rendre une chose unique, tu es obligé d'avoir ces deux piliers. Nafyun wa ithbat. Naam, et on a déjà donné des exemples. Mathalan, on dit, dans cette salle, il n'y a personne. Dans cette salle, il n'y a personne. Il n'y a personne. Si on dit sauf un tel, ça veut dire qu'il est seul et il n'y a personne avec lui. Vous avez remarqué, nafyun wa ithbat, personne n'est dans la pièce sauf un tel. Amma, si on dit un tel il est dans la pièce, ça ne veut pas dire qu'il est seul. Mafhoum? Lianna mujarrad al-ithbat la yunafi al-musharaka kama yaqulu. Ay mujarrad al-ithbat, ay tu dis Zaydun il est au masjid. Est-ce que ça veut dire qu'il est seul? Là, Zayd il est au masjid et peut-être il y a Mohamed avec lui, peut-être il y a Amr, peut-être il y a l'imam, peut-être il y a le muezzin, peut-être il y a des milliers de personnes. On dit, il n'y a personne dans le masjid. Est-ce que Zayd il est dans le masjid? Là, on a dit il n'y a personne. Donc, ithbat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un là. Mujarrad al-nafi, il n'y a personne. Pour avoir tawhid, il faut les deux. Ça va donner quoi? Indak? L'exemple qu'on a donné avec le masjid? Personne dans le masjid excepté Zayd. Ahsant, il n'y a personne dans le masjid sauf Zayd, excepté Zayd. Fa fi hadha al hal, Zayd il est tout seul dans le masjid. Al anta ta wahad Zayd dans le masjid, ay il est seul. Fa hakada cette shahada. Si on dit Allah subhanahu wa ta'ala il est adoré, est-ce que ça suffit pour le comprendre la ilaha illallah? Là, Naam, Allah il est adoré. Lakin, ba'd al-mushrikin, ils adorent autre qu'Allah. Enfin, c'est pas ça le ma'na. Le ma'na et la compréhension du tawhid, c'est personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Cette conviction, elle va te permettre de comprendre c'est quoi le shirk et de détester le shirk. Là, t'as une règle, hein. Cette chose, si quelqu'un l'a fait pour autre qu'Allah, tu sais que c'est du shirk. Et tu vas détester ce shirk. Et tu vas détester ce mushrik. أما بعضهم الآن لا فسر ب ب aucun lien avec l'ibada. Et ça c'est pas sawab أبدا. بعضهم يديز لا إله إلا الله comme on a expliqué dans le dars précédent, il n'y a de Dieu qu'Allah. Avec les traductions c'est encore plus grand. Ils citent en aucun cas l'ibada. بعضهم ils vont dire أن لا خالق إلا الله. Il la fassar bi tawhid al-rububiyyah. Et là, chaque annahu la khaliqa illallah. Lakin, ma'na shahada, c'est pas ça. Ça suffit pas. La khaliqa illallah, personne, na'am, ne crée en dehors d'Allah. Le créateur, c'est qu'Allah. Et ce créateur, il mérite l'adoration. T'es obligé. Limadha li'anna, si t'as la conviction que le créateur, c'est qu'Allah. Hada c'est tayyib, c'est wajib. Chaque muslim, wallahi alhamdulillah, a cette conviction. Lakin, cette personne qui a cette conviction, elle donne un associé à Allah dans l'ibada, cette conviction en Allah c'est le khaliq seul, elle lui est d'aucune utilité. Et c'est exactement hal mushriki Quraysh, kuffari Quraysh. C'est exactement leur hal. Labud min hadhi l'umour. Nafyun wa ithbad. Nafi al-ibada wa nafi al-uluhiyya et ithbatuha lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu. La sharika lah. قال وإلا الله إثبات. On a expliqué النفي والإثبات. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إثبات العبادة لله إياك نعبد قال وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين إثبات ست عبادة tu dois avoir l'ikhlas فيها أي tu la donnes qu'à Allah عز وجل قال وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il démontre أن العبادة في حق الله c'est حق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أي ما يعبدون من دونه هو الباطل tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est min al-batil bien sûr du'a al-ibada comme on a expliqué auparavant قال أما قولها بدون العمل بها فلا تنفع هذا أما une personne qui dit cette shahada il dit ashhadu an la ilaha illallah ثم il applique pas son sens مثلا pour lui ceux qui sont sur le christianisme ou le judaïsme, ils sont à la haqq. Pour lui, ceux qui adorent Isa, tu ne peux pas dire que c'est des koufars. Pour lui, ceux qui font n'importe quel shirk, ils adorent les tombes, pour lui, كذلك, c'est des croyants. Fahada, est-ce que sa shahada, elle sert à quelque chose? Elle sert à rien. Il témoigne d'une chose et il ne croit pas en cette chose. Il témoigne d'une chose et il n'applique pas cette chose. Non, ça lui est d'aucune utilité. تصور انت لو شخص يتدي مثلا à partir d'aujourd'hui je te fais plus de mal une personne elle a l'habitude de te faire du mal il te dit à partir d'aujourd'hui je te fais plus de mal طيب il a pris un engagement là où il te fait plus de mal ثم il te fait du mal tous les jours est-ce que tu vas prendre en considération son engagement là pour toi ça va être qu'une parole sans aucun sens belle pour toi tu vas prendre ça mal انه il se moque de toi sa parole, normalement, ça doit impliquer des choses. Il doit arrêter de te faire du mal et il continue. Tu ne vas pas prendre en considération ça. Enfin, pourquoi ceux qui disent cette shahada et ils font aucun effort dans l'apprentissage et de son sens, ils font aucun effort dans l'application, ben ils la contredisent l'ayl nahar, pourquoi ça leur serait utile? Ça leur est d'aucune utilité. Comme a dit le Cheikh Abdelaziz. قال فلا قال أما قولها بدون العمل بها فلا تنفع قال كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخص الله بالعبادة comme ceux qui disent لا إله إلا الله et ils unifient pas Allah dans l'adoration non, mais ils adorent des tombes ils sacrifient pour des morts ils invoquent autre qu'Allah ils placent leur confiance dans des choses autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala هؤلاء سمجرد une kalima une parole qu'ils n'appliquent pas cette parole elle est d'aucune utilité si le simple fait de prononcer la ilaha illallah ça serait suffisant et utile ça aurait été utile pour le munafiqin non, ils ont témoigné c'est pour ça que c'est des munafiqin ils ont fait apparaître l'islam et parmi les premières choses que tu fais apparaître c'est al-shahada et ils faisaient salat avec le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il partait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam certains ghazawat, le jihad. Et il vivait fil Medina avec le Nabi et le Sahaba. Donc ils étaient considérés comme musulmans en apparence. Donc ils disaient shahada, ils faisaient salat. Ça leur est d'aucune utilité. Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. Qala azza wa jalla. Le munafiq, il est au plus bas degré de l'enfer, au plus bas niveau. C'est d'aucune utilité. Malgré il prononçait, il faisait salat. Lakin le cœur, il est malade. C'est un munafiq, c'est un kafir. Le munafiq, c'est celui qui fait apparaître l'islam et au fond de lui cache le kufr pour plusieurs raisons. Regarde celui qui la prononce et il la contredit avec son cœur, avec ses a'mal. Ça, cet exemple du munafiq, ça te montre que la prononciation, ça ne suffit pas. Et tu es obligé de la prononcer. C'est pour ça que Abu Talib, quand il était en train de mourir, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait da'wa ya'am, qul la ilaha illallah. Elle était obligée de la prononcer. Fa lihadha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré أنه s'il l'a dit, fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yashfa fihi. Aw uhajju bika aw uhajju biha 'inda Allah 'azza wa jall. Naam, cette kalima pour qu'il rentre dans l'islam, il n'a pas voulu la prononcer. Il est mort à l'al-kufr. Et il est fait النار, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أنه أهون أهل النار. Hadha, tu es obligé de la prononcer. Lakin, en ayant une conviction sincère et l'appliquer, et celui qui ne la prononce pas, c'est pas un musulman. Kadalik, celui qui la prononce et ne l'applique pas, kadalik la tanfa'u. Din, on ne prend pas ce qu'on veut et on délaisse ce qu'on veut. Là, din, c'est des fondements, avec des piliers, avec des conditions, avec des annulations. C'est ça le din. Et c'est sur ça qu'on doit faire des efforts, nahnu min hayth al-ilm. Qala, ولا يخص الله بالعبادة فإن شهادته لا تنفع كالمنافقين. المنافقون ils ont témoigné لكن بباطل. قال فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها فهم في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه بل هي باطلة. شيخ سليمان رحمة الله عليه في تيسير العزيز الحميد إلى سيتي أو في غيره من كتبه إلى سيتي الإجماع أنه ولو سيف الصيام ولو سيف الصلاة et prononce shahada لكن il la contredit avec du shirk, il adore autre qu'Allah, que ce soit des tombes ou autres, أنه لا تنفعه, son islam il lui est d'aucune utilité, لماذا لأنه il l'a annulé. C'est exactement comme une personne, il fait l'odo ثم il annule cet odo avec un annulatif clair. Clair, واضح. Tout le monde sait qu'il a annulé l'odo. Thumma, il persiste. Là, je veux faire salat, j'ai fait l'odo. Est-ce que quelqu'un va accepter hada? Là, et sa salat, elle est batila. Il y en a parmi les conditions de salat, c'est tahara. Ça, c'est exactement la même chose. Un annulatif, c'est un annulatif. Écarte-toi. Il y en a, tu feras du mal à ton dit. Wardana, si s'entête. Là, je dis shahada et ça m'est utile. Là, nahnou, fil haqiqa, c'est pas ton avis qui nous intéresse. Là, tu dois regarder est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte hada ou la. Et on a cité plusieurs preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas hada. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah il montre celui qui fait du shirk, il annule ses œuvres. Wa law ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Et dans l'autre verset, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. فالله سبحانه وتعالى أمرنا الله سبحانه وتعالى نزع أخذني فأيها العبد نبلي هذا بعضهم يسنتت لا mes œuvres elles sont acceptées. Regarde Allah سبحانه وتعالى c'est pour lui que tu œuvres. Regarde et médite et réfléchis sur les preuves. Est-ce que Allah il accepte tes œuvres et tes œuvres elles sont fondées sur quelque chose? أم لا أما s'entêter tout le monde mourra et tout le monde rendra des comptes. فهؤلاء المشركون qui adorent les tombes ليل نهار يوم القيامة ils rendront des comptes. فقيسك tu vas faire أيها العبد si يوم القيامة tes œuvres elles sont refusées, elles sont pas acceptées, qu'est-ce que tu vas aller où? نعم فالإنسان il s'entête pas في هذا, s'entête pas et il pense à son avenir. C'est ça l'avenir الحقيقي. أما si tu trouves pas de travail, t'as pas de diplôme, الأمر il est سهل في الحقيقة. Tu patientes et celui qui se bouge, walillahi alhamd, yahsul ala khayr. Amma al-mustaqbal al-haqiqi, c'est hada, yawm al-qiyama, y'a pas de diplôme. Yawm al-qiyama, y'a pas de amal. Tu peux pas te rattraper. Yawm al-qiyama, c'est fini, c'est les comptes. Ce que t'as fait fi dunya. Et shirk, ça annule tout. Et shirk, ça annule tout. Wallah al-musta'an. قال فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه بل هي باطلة. نعم. هنا سيتينا بعض العلماء منهم الشيخ سليمان وغيره نقلوا الإجماع على ذلك لنانيمتي على ذلك. قال وأما الشهادة الثانية deuxième شهادة. Et c'est toujours le premier pilier. Le premier pilier c'est les deux شهادات. تشهد أن لا إله إلا الله et تشهد أن محمدا رسول الله. Les deux shahadas, ça forme un pilier. Les anna, elles sont indissociables, elles vont ensemble. Celui qui reconnaît et qui adore Allah seul, il est obligé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre. Ça va ensemble. قال وأما الشهادة الثانية وهي أن محمدا رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني محمدا عليه الصلاة والسلام تعرفونه لأنه من أنفسكم. نعم من أنفسكم. Il le connaissait, il connaissait sa famille, sa tribu. Ils l'ont vu grandir et ils savaient qu'il était véridique. Et il avait un bon comportement. Et il était apprécié. Il est venu, bilhaq. Celui qui rejette ce haq, c'est vraiment, il rejette le haq. Celui qui transmet ce haq, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était reconnu indahum. Qala, wa huwa min ashraf qaba'ilikum min bani Hashim, na'am, min Quraysh, alayhi salatu wassalam. Azizun alayhi ma anittum, ay yashuqu alayhi ma yashuqu alaykum, na'am. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était rahim. Et il avait de la rahma pour le mu'minin. Si un mal il touchait le mu'minun, il était affecté, alayhi salatu wassalam. Qala harisun alaykum, yani ala hidayatikum. Na'am, il voulait le khayr pour les gens. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de sacrifices, alayhi salatu wassalam, pour montrer le haq. Qala wa inqadhukum minan nar. Wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. Tout ça, c'est des preuves qui cite Cheikh Abdel Aziz pour démontrer أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. فالو sens de cette shahada, يعني on a cité le sens de لا إله إلا الله, أي لا معبود حق إلا الله, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et Thomas, il y a des choses qui impliquent cette shahada, si tu l'as dit, an la ilaha illallah, ça va impliquer des choses, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et de s'écarter du shirk. Le shirk, ça annule cette adoration. Ça, c'est ma yata'allaq bi al-shahada, la première. Bien sûr, elle est fondée sur deux piliers, an-nafi wal-ithbat. La deuxième, le sens, c'est ta'taqid annahu rasulullah. Dès que tu témoignes anna Muhammadan Rasulullah, tu as la conviction que c'est Rasulullah. Et c'est le dernier des messagers. Et c'est le meilleur des messagers. Naam, il a été envoyé par Allah. C'est ça ta aqida. Tout ça va impliquer des choses. Ce témoignage, il va impliquer des choses. Qala Cheikh Ibn Baz, falabud min hadhihi al-umur al-arba'a. Cheikh Ibn Baz, il a cité quatre choses. Ils appellent ça le muqtada. مقتضى شهادتي أن محمدا رسول الله. Est-ce que ça va impliquer de témoigner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah? La première chose, طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها. طاعته, أي on lui obéit. نعم, si tu as la conviction أنه c'est رسول الله, فالو رسول, il a été envoyé pour montrer le haq. Et le haq, tu dois l'accepter. Donc s'il ordonne quelque chose, tu dois lui obéir tant que tu peux. Si tu interdis une chose, tu dois t'en écarter. Enfin, ce n'est pas une appartenance, on l'aime et c'est tout, c'est une étiquette. Là, amal. Kadhalik, ça nous montre on fait passer l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout le monde. Et si quelqu'un contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit volontairement, ou involontairement, ça peut arriver, l'insan n'est pas ma'asoum, enfin, on fait passer ta'atu al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam avant. Enfin, c'est ça, tahqiq hadhihi shahada. La deuxième chose, le deuxième point, tasdiquhu fima akhbar, yani al-akhirah, wal-jannah, wal-nar, wa ghayri dhalik. Kadhalik, tout ce qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a la conviction ferme que c'est haq, tasdiq, al-tasdiq. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé عن أشراط الساعة, أي tout ce qui est rapport avec le Messie al-Dajjal, avec la descente de Isa, avec الشمس, elle va se lever من مغربها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il nous a cité ما يتعلق بيوم القيامة, tout ce qui est الصراط, وقبل ذلك الميزان والحوض والحساب, après الجنة والنار. Tout ça, tant qu'on a un dalil صحيح, نعم, que ce soit un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فنؤمن بما أخبر به النبي sallallahu alayhi wa sallam. فلهذا كفار قريش, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a informé أنه il a fait l'Isra wal Mi'raj en une nuit, أنه il est parti de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis avec Jibril alayhi salam, ثم من Bayt al-Maqdis إلى السماء, tout ça en une nuit, ils n'ont pas accepté le kuffar. Pour eux, c'est impossible. Nous, le prophète, il l'a dit, c'est que c'est haq. C'est pour ça que Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, quand ils l'ont informé, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait telle chose et telle chose. Et il faut comprendre, anna, à l'époque, faire ce voyage en une nuit, c'est gharib. En une nuit, tu fais ce voyage, à l'époque, il leur fallait minimum, robama, un mois. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en une nuit. C'est pour ça que quand ils ont informé Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il leur a répondu si. Si il l'a dit, Abu Bakr dit que peut-être les kuffars ils ont inventé cette chose. Lakin il leur a dit si vous l'avez dit, et c'est vrai, le prophète il avait dit, fahuwa haqq, il a dit bi haqq, il a raison, il dit vrai. C'est as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a haqqaq cette shahada. Bal c'est afdal al-umma bil ijma', après ce prophète, après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afdal an-nas ba'da al-anbiya wal-rusul. Abu Bakr as-Siddiq. Ça, c'est un exemple pour montrer à Tazdir. C'est lié avec le premier point. Tu lui obéis dans les obligations. Et le troisième point, tu t'écartes de ce qu'il a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kazina, wa riba, wa ghiri dhalik mimma naha Allahu anhu wa rasuluh. Et la chose la plus grave, le péché le plus grave, la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis le plus en garde, c'est ash-shirku billah. C'est pour ça que quand ils lui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyu dhanbi a'zam ya rasulallah, c'est quoi le plus grave des péchés ya rasulallah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Et tu donnes à un associé Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé. Ça montre que le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Rabi' wa an la ya'budillah illa bima shara'. أي لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, ça te montre. Cette shahada, normalement, si on l'a dit, on doit avoir un manhaj wadih dans notre adoration. Si on témoigne que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est le messager d'Allah, on doit adorer Allah comme il nous l'a démontré. Pourquoi? Parce que c'est le messager d'Allah. Il est venu pour ça. Il est venu, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nos adorations, ça doit être par rapport à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tout ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, écartez-vous. C'est ça le dit. أَمَّا on fait ce qu'on veut, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. Bardanas, vous avez déjà vu et vous connaissez Hada. Un homme, ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Et pour s'écarter, ils ne veulent pas dire directement là, je ne suis pas Rasoul. Là, ils vont te dire, mais mes parents, ils ont fait, mais dans notre pays, ils ont fait, mais il y a divergence. Toutes ces khurafat. Là, al-qasd, ton intention, ça doit être de vouloir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça arrive que tu te trompes et tu te tromperas. Lakin, ton intention, elle est bonne. Et c'est pour ça qu'avec cette intention, surtout si tu rajoutes l'ilm, inshallah, tu suivras le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma se mettre des obstacles tout seul, les gens ils ont dit, mais pourquoi la plupart ils font pas? Mais on m'a dit, là, si t'as un délil, t'as un délil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé, il a ordonné une chose, tu le fais, il a interdit une chose, tu t'écartes, même si les gens ils la font. Pourquoi? Parce que tu témoignes, anna muhammadan rasulullah. Et bien sûr, pour arriver à connaître et à comprendre cette voie, à y adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, t'es obligé de revenir à Ahl al-Ilm. Il y en a les savants, ils vont te montrer. Ils vont te montrer cette chose c'est interdit et pourquoi c'est interdit. Cette chose elle est autorisée et pourquoi. Et ils vont te citer. Et toi, avec cette étude, avec cet approfondissage fil ilm, inshallah, tu vas avancer. Qala Shaykh Ibn Baz, فَلَا يَبْتَدِعْ فِي الدِّينِ مما لم يشرعه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. Ce hadith c'est un asl min usul al-din. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi l'a cité fil arba'in. C'est une règle ce hadith. Tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait ou il n'a pas ordonné ou il n'a pas accepté, ça ne fait pas partie de notre din. Celui qui montre ce din, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, fait le haqiqa, si toute la umma l'applique, ça va réunir, ça va unifier la umma. toute la umma, ils ont un modèle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Amma, vu que beaucoup de personnes, ils ont délaissé ce manhaj. Le manhaj al-nabawi. Alors, il y a une division kabira fil umma. Ba'duhum, ils suivent leur cheikh, ba'duhum, ils suivent la majorité, ba'duhum, ils suivent les passions, et ça divise. Amma, normalement, tout le monde doit revenir à ce modèle. Et on s'entraide. Et l'insan, il applique autant qu'il peut. Il y a des choses, probablement tu ne peux pas, ou tu te trompes. Lakin, avoir cette conviction, ce manhaj dans le cœur, ça t'aidera. Si tu te trompes, tu reviens. Si tu ne peux pas, tu fais les efforts, et quand tu pourras, tu feras. فَهَذِهِ هِيَا الشَّهَادَ الثَّانِيَ. Donc, l'islam, il est fondé sur ces deux shahad. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, s'écarter du shirk, et adorer le Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasulullah, donc on a la conviction que c'est un Rasul, et on l'aime et on le suit. Donc si on applique ces deux shahadas, on appliquera le tawhid, on appliquera le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les ibadat. Et l'islam, il est fondé sur ça, et maintenant vous comprenez, wallillahi alhamd, vous saviez déjà, ces deux shahadas, c'est la base de notre dîn. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités en premier. Vouni al-islam ala khams, l'islam s'est fondé sur cinq choses, il a cité le premier pilier, c'est la base du dîn. Thumma, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال وإقام الصلاة فأركان الإسلام خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقدم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان قال شيخ عبد العزيز ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Ça c'est le premier pilier, التوحيد الشهادة. قال ويقيم الصلاة le deuxième pilier, ويؤتوا الزكاة le troisième pilier, وذلك دين القيمة. C'est ça الدين القوي, دين الحق. C'est ça, c'est fondé sur le توحيد et des œuvres. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Ça montre l'importance de الصلاة et de الزكاة. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Cette عبادة عظيمة, ce verset, on l'explique dans notre deuxième درس ولله الحمد en détail dans l'explication de عمدة الأحكام كتاب الصيام. Et ma yata'alak bis salat, on ne détaillera pas ici. Là, liana, comment faire la salat, c'est un dars de fiqh. Et min ahsan al-kutub, fi hada kitab al-imam al-albani rahmatullah alayhi sifatu salat. Naam, lakin, l'essentiel ici, c'est de connaître l'importance de la salat, de la zakat, et savoir que ça fait partie des piliers de l'islam. Enfin, l'islam, il est fondé sur ces choses. Amma tafasil, comment faire la salat, c'est quoi qui annule la salat, comment sortir la zakat, sur quel produit on sort la zakat, combien on sort, quand est-ce qu'on la sort, tout ça c'est des durus de fiqh. Amma ma yata'allaq bi Ramadan bi siyam wa lillahi alhamd, on l'étudie en ce moment ensemble. Qala ila qawlihi subhanahu shahru Ramadan ay anna as-siyam wajibun alaykum kullu 'am fi shahr Ramadan. Na'am. Toutes ces choses c'est obligatoire. Amma as-salat, celui qui la délaisse, fa c'est pas un musulman 'ala as-sahih. يتعلمون أن المسألة الخلافية الخلاف الواسع بين أهل العلم لكن الصحيح والراجح c'est قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه il a démontré dans plusieurs ouvrages أن celui qui la délaisse c'est un kafir. Et كثير من العلماء ils disent que c'est un muslim. Enfin, dans ce cas on n'accuse pas celui qui rend pas kafir celui qui délaisse la salat d'un murdi. أبداً. Parce que قول أئمة كبار قول إمام مالك قول إمام الشافعي قول إمام أبي حنيفة قول كثير من العلماء الشيخ الألباني à notre époque. كذلك on n'accuse pas ceux qui prennent le قول أنه c'est pas un muslim de takfiri de khawarij. لا. فسي قول l'Ibam Ahmed من رواية سي قول الشيخ عبد العزيز بن باز. أما dire celui qui كفر c'est un khariji ou celui qui كفر pas c'est un murji, هذا لا. لكن يا خلاف بين أهل العلم خلاف واسع والله تعالى أعلم. قال وحج بيت الله الحرام صلى cinquième pilier. قال ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشاهد قوله ولله على الناس حج البيت أي c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde, pour les gens de faire le hajj. Bien sûr, celui qui a la capacité. Et toutes les ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala fait le hajj, il a cité man istata'a ilayhi sabila. Le hajj, ça demande bien sûr des moyens physiques, des moyens financiers pour ceux qui habitent loin du haram. Lakin, ça c'est valable pour toutes les ibadat. C'est pour ça que dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fattaqullah mastata'tum. Toutes les ibadat, c'est si tu as la capacité. Amma salat, et on fait un tambih, annahu salat, si tu peux pas debout, tu fais assis. Si tu peux pas assis, tu fais couché. Si tu peux pas en ne bougeant aucun membre, tu fais comme tu es. لأن بعض الناس مساكين من العوام ربما يتم malade, il délaisse la salat. Ou il rentre à l'hôpital, il délaisse la salat. Complètement. لأنه il est malade. Là. Là. Si tu peux pas, tu descends un niveau plus bas. Tu peux pas debout, assis. Tu peux pas assis, couché. Tu peux pas, quand en remuant les yeux, en remuant les yeux, tu peux pas. Vraiment, tu peux rien bouger, tu fais salat avec ton cœur. L'obligation pour toi, c'est par rapport à ta capacité. Wa hakada zakat, tu peux pas, tu la sors pas. Wa hakada siyam, celui qui peut pas, il le fait pas. Les personnes âgées, les malades, il peut pas, il peut pas. Ça, c'est une règle fi dinillah, anna al-ibada, les œuvres tu fais par rapport à tes capacités. Et hadith Abi Huraira, il est wadih fi dhalik, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Est-ce que je vous ai ordonné, faites ce que vous pouvez. قال وهو مرة في العمر. Le hajj, il est obligatoire une fois dans la vie. Et celui qui rajoute après, c'est min at-tatawwu, c'est recommandé. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم. Le hajj, c'est obligatoire une fois dans la vie et ça c'est min at-takhfif. فهذا الدين il est يسر. Ce din, c'est facilité, c'est une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné qu'une fois dans la vie. Celui qui peut pas, il est excusé. Qala al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fadalilu shahada qawluhu ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu al-azizul hakim. Tout ça. والله الحمد تقدم معنا ومعناها لا معبود بحق الا الله وحده. Donc on l'a vu في الشرح انه l'explication c'est personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. قال لا اله نافيه جميع ما يعبد ما يعبد من دون الله الا الله مثبته او مثبتا العباده لله وحده. قال لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه. نعم. Comme tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyya, annahu, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui guide, c'est lui qui donne la vie, la mort, tout ça, tu unifies Allah azza wa jal dans ces choses fi rububiyya, kadhalik fi al-ibada. Qala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ça c'est ce verset yuwaddih al-shahada. قال إبراهيم وقال الله عز وجل في إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فتبرأ من الشرك والبراءة c'est détester cette chose et s'en écarter. فإبراهيم il a détesté cette chose et s'en écarter لأنهم ils adoraient des statues. قال إلا الذي فطرني sauf celui qui m'a créé. فالحقيقة c'est ça l'explication de لا إله إلا الله. لا إله c'est huna l'explication. قال إنني براء مما تعبدون. Ça c'est la ilaha. Personne ne mérite l'adoration. إلا الذي فطرني c'est إلا الله. لأن الفاطر c'est Allah subhanahu wa ta'ala. الفاطر ça ressemble au خالق, c'est celui qui crée. Donc ce verset c'est l'explication de الشهادة. قال فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. Ce verset فيه أنهم يزادوا الله سبحانه وتعالى السل. Si يزادوا الله سبحانه وتعالى السل, c'est nos frères. Si يزادوا الله سبحانه وتعالى et ils unifient par Allah Azza wa Jal, c'est pas nos frères. Ça montre que l'explication de shahada, c'est التوحيد في العبادة. قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Tout ça, on l'a expliqué نحن في كلام شيخ بن باز. قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Tout ça taqaddam. Et la haqiqa, ça c'est le muqtada. Amma le ma'na, c'est que le prophète Mohammed sallam, c'est un rasoul min Allah. C'est le dernier des messagers et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé en tant que messager pour montrer le haq. Et ça implique les quatre choses qu'il a citées, Sheikh al-Islam, et qu'on a détaillé fi shurh. Qala ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اتوسع ولله الحمد تقدم. فبهذا on a fini d'expliquer المرتبة الأولى الإسلام. Le prochain درس إن شاء الله on commence المرتبة الثانية الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On a oublié de vous faire réciter في البداية, et إن شاء الله le prochain درس vous réciterez ce que vous avez appris.